donc dans la 8e édition de Chantier commun cette année. L'année dernière, on avait comme fil rouge lutte et imaginaire, et on avait eu le plaisir de recevoir Karim Layani et Frédéric Denise pour la rencontre inaugurale. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jeanne Mermé, qui est à ma droite, et Léa Hobson à ma gauche. Et on s'était choisi comme fil rouge pour cette 8e édition. Place à demain, un thème que nous avons retenu en connaissance du contexte qui nous attendait pour mars de cette année 2026, qui était celui des élections municipales, en se disant que si on parlait d'un sujet qui n'avait absolument rien à voir, on allait être noyé sous les informations liées à la campagne. Donc place à demain, ça nous semblait être un bon sujet pour surfer sur ces thématiques, puisque, comme vous le savez, les élections sont aussi l'occasion de s'interroger sur l'aménagement des territoires et l'aménagement futur. Donc place à demain, ça voulait parler justement de cette question de commun, de l'espace public à toute échelle, dans les petites communes comme dans les grandes métropoles, s'interroger sur le devenir, sur la prospective de ces territoires. Et puis place à demain, c'était aussi la question de l'altérité, faire place à l'autre, à l'étranger, aux autres humains qui nous accompagnent dans nos espaces du quotidien ou qui ne sont pas dans nos espaces du quotidien, mais également aux vivants de manière générale. C'est une thématique qu'on aura aussi l'occasion d'aborder largement avec Jeanne et Léa aujourd'hui. Pour vous présenter très rapidement, mais je vais vous laisser vous présenter aussi par vous-même, Jeanne, tu es donc polytechnicienne de formation et tu as déserté cette formation pour te consacrer finalement à du militantisme. Es-tu aujourd'hui à la fois autrice, artiste et militante ? Est-ce que c'est une définition à laquelle tu adhères ? Parfait. Tu es également l'autrice de cet ouvrage « Désertons » qui est paru aux éditions « Les liens qui libèrent » et « Wild Project », tout à fait, « Wild Project » qui sont de fidèles partenaires de Territoire Pionnier et de Chantier commun. Léa, tu es architecte et tu es aussi militante. Tu es l'autrice de l'ouvrage « Désarmer le béton, réhabiter la terre » aux éditions La Découverte, c'est ça ? Donc on va avoir l'occasion de revenir sur vos deux ouvrages. Et d'abord, vous expliquez aussi un petit peu pourquoi on vous a réunis toutes les deux. On trouvait que vous aviez comme ça des allures de saboteuse. Et je me demandais si c'était une étiquette qui vous convenait à toutes les deux. Et qu'est-ce que cette étiquette évoque l'une et l'autre ? Je sais pas, Jeanne, si tu veux commencer. Bonjour tout le monde. Alors, pour préciser, j'ai pas déserté Polytechnique, puisque j'ai quand même fini la formation. Disons que j'ai déserté le monde vers lequel cette formation me menait. Alors, cette question du sabotage, ouais, je pense que dans un sens, je m'y identifie parce que ça a été un peu cette réflexion de ne pas participer, de ne pas être complice, mais pour justement participer à déconstruire, démanteler le système qui m'a formée et qui continue de produire des nuisances, des injustices, des destructions. Voilà, donc après, je pense qu'il y a un peu tout un ensemble de mots et de pratiques autour de ce sabotage-là. Moi, je me suis un peu posé la question de comment faire l'inverse de ce métier d'ingénieur auquel j'ai été formée. Donc, comment, plutôt que rajouter des technologies destructrices, comment les enlever, comment les déconstruire, comment les démanteler. Donc, c'est un peu parti, ouais, de toute cette histoire aussi du sabotage qui est dans le monde du travail et des industries qui a formé toute cette réflexion-là. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, c'est pas mal comme terme à poser pour nous deux. Oui, moi c'est un petit peu pareil. Alors même si je me définirais pas en tout cas comme déserteuse, j'ai l'impression que ça fait des années que justement entre la pratique de l'architecture et justement le militantisme, on déconstruit beaucoup de choses. Et du coup, il y a cette notion, notamment moi dans le titre de l'ouvrage, mais du désarmement ou du démantèlement, parce qu'il y a un peu des deux qui sont liés, et de comment justement on prend le temps de comprendre le milieu dans lequel on travaille ou dans lequel on a étudié ou dans lequel on est, pour essayer de le déconstruire, trouver un peu les nœuds, les failles. Et ensuite, à mon sens, ce qui va aussi avec le sabotage, notamment dans l'histoire du sabotage, c'est évidemment des revendications ensuite qui sont portées et justement ce qui peut émaner de cet acte-là. Et moi, en questionnant cette notion du désarmement autour du béton et pas juste du matériau, mais vraiment de tout le système derrière, c'est sûr qu'on décortique. Vraiment, on a l'impression en fait d'enlever plein de couches. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'enlever plein de couches de ce système-là pour justement arriver à déceler un peu des failles et des perspectives. Ah, tu disais justement que c'était l'idée d'enlever des choses, et en fait à vous lire toutes les deux, et c'est aussi pour ça que la question de sabotage m'intéressait, c'est qu'on l'associe souvent à une idée d'enlever ou de défaire ou voire de détruire. Hein, vous employez aussi toutes les deux un vocabulaire qui renvoie finalement beaucoup au vocabulaire militaire, en tout cas au vocabulaire de l'action, et en même temps dans la manière dont vous l'utilisez toutes les deux, il y a une idée de construire. C'est pas uniquement enlever, c'est aussi non, peut-être pas rajouter, mais en tout cas, ce que vous prenez, la désertion, elle renvoie aussi à l'idée de refuser. J'aimerais bien savoir à la fois ce que vous refusez, mais ce que vous souhaitez construire, alors pas forcément de manière matérielle, mais à qu'est-ce que vous aspirez rajouter au-delà d'enlever. Je ne sais pas si Léa, tu veux commencer. Ce que je disais sur, à mon sens, la compréhension du système, enfin ce que je racontais là, est nécessaire justement pour penser des perspectives. Et dans la compréhension du système, donc moi j'insiste vraiment sur les failles ou les faiblesses donc les failles du système. Donc moi dans le livre je parle beaucoup des bétonneurs, mais du coup les faiblesses et les nœuds qu'on peut trouver chez les bétonneurs, et de mettre ça en parallèle de nos forces. Et donc c'est là où face à potentiellement un sentiment d'impuissance face à des géants ou justement le système capitaliste, tous ces grands mots-là, en fait, pour trouver justement une façon d'agir, c'est nécessaire de prendre le temps de comprendre où sont ces nœuds-là. Et dans la capacité d'agir, à mon sens, elle se trouve dans la force collective et aussi dans comment on arrive à agir. Et je pense que c'est là des points qui se rejoignent pas mal entre nous, mais c'est dans nos pratiques professionnelles où est-ce qu'on peut trouver des façons d'agir aussi. Et je prône beaucoup la piraterie, quoi, de comment on arrive à justement être un peu des pirates là où on est et trouver de la force là-dedans. Et ça passe, à mon sens, de façon complètement nécessaire et indispensable par des alliances. Donc je parle beaucoup d'alliances entre humains et personnes qui pratiquent un métier, donc au sein d'une industrie, mais aussi interespèces, quoi. Donc les alliances, elles sont pas que entre des humains. Ça me fait penser au livre de Fatima Wassak, Pour une écologie pirate, que je vous recommande chaleureusement. Fatima, j'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs de la recevoir dans une prochaine édition de Chantier commun. Ce passage du système au nous que tu évoques, je trouve qu'il se traduit aussi très très bien dans le passage de vos deux ouvrages. Quand tu dis le système capitaliste, etc., les bétonneurs, est-ce que, comme on fait toutes et tous a priori, sauf peut-être exception, partie de ce système capitaliste, mais je crois que tout le monde dans la salle en fait bel et bien partie, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes des bétonneurs, a fortiori? Et la question du nous que tu poses aussi en disant désertons, est-ce que c'est quelque chose, ce basculement de désigner un système à finalement la compréhension de notre part de ce système-là et comment on peut y agir, qui sous-tend aussi vos réflexions, si on combat de l'intérieur, de l'extérieur à ce système, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nous et est-ce que vous pouvez nous parler de ce nous? Oui, alors justement, ce titre-là, désertons, je l'ai choisi, on l'a choisi comme une invitation à dire la désertion. On va voir dans l'imaginaire de la désertion, ça va être et puis avec donc les événements des dernières années justement que peut-être vous avez vu passer, des discours des élèves de l'agro-paritech qui ont appelé à déserter pour ne pas participer aux industries destructrices, avec plein d'articles dans la presse où on a vu ces parcours individuels de personnes sorties de grandes écoles qui décident de justement ne pas aller travailler dans les entreprises, mais plutôt aller changer de trajectoire individuelle, changer de métier, retourner à la terre ou retourner à des métiers plus artisanaux. concret, matériel, et on a pas mal vu, on associe ça pas mal à des trajectoires individuelles, et du coup, dans ce parcours, moi, de désertion, justement, et c'est ce que j'essaye de développer dans ce livre, c'était de dire, il y a en effet ce phénomène-là de quête de sens à l'échelle individuelle, mais il y a aussi plein de dynamiques, et donc nous avons tenté de justement insuffler des dynamiques collectives en construisant des collectifs, par exemple des déserteuses, pour rendre ces désertions plus collectives et politiques, et de dire c'est pas juste une question de quitter un système individuellement, parce que de toute façon on ne le quitte pas, on y est toujours dedans, on continue de dépendre, qu'on aille à la campagne ou autre, on continue de dépendre de tout un système de production d'alimentaire, industriel, énergétique, etc. Et du coup moi j'avais envie de poser la question de si la désertion, pour moi cette définition, c'est ce fait de refuser de nuire, ce fait de dire je déserte. Alors déserter, on peut penser, il y a déserté son poste, il y a déserté la guerre, refuser d'aller à la guerre. Et si on pose cette question à l'échelle collective, par exemple, une université qui déserte, qui décide de ne plus participer aux destructions, aux injustices, à la guerre, ça ressemble à quoi ? Et ben en fait, c'est de l'organisation collective. C'est pas un abandon, c'est un refus qui met en action, c'est aller s'organiser. Donc, ce que font d'ailleurs les élèves, beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de mobilisation étudiante, notamment à l'agro toujours, donc où les élèves ont bloqué leur école pour protester contre l'accord Mercosur, ainsi que la co-gestion des entreprises de l'agroalimentaire dans l'école. Une université qui déserte, c'est quoi ? C'est traquer les financements privés de l'armée, de l'armement ou pour des intérêts privés, c'est traquer la manière dont le complexe militaro-industriel a de façonner les cours, les écoles, les cerveaux en fait, qui vont ensuite venir les servir, et c'est repenser tout ça, c'est dire quel enseignement on veut, et c'est ce qui est en train de se passer dans les mobilisations étudiantes, et c'est très intéressant justement ce qui se passe, mais pas que dans le monde du travail aussi finalement. Il y a des par exemple, j'ai envie de parler de syndicats, notamment de la CGT Thalès qui Thalès était une voire là je sais pas plus grosse entreprise de l'armement français qui propose un droit de retrait éthique. On a le droit de retrait pour dire je ne veux pas faire ce projet ou travailler là-dedans parce que ça va me mettre en danger, et le droit de retrait éthique ça serait dire je ne veux pas participer à ce projet, j'invoque mon droit de retrait éthique pour ne pas participer à quelque chose qui selon moi va à l'encontre de valeurs politiques d'égalité, de justice, etc. Donc voilà, pour moi il y a vraiment ce pas du refus collectif à la désertion collective, à l'organisation collective pour faire déserter une structure, une université, une usine, un système industriel. Et ensuite, du coup, par rapport à ce que tu disais avant, il y a ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle brique on va mettre à la place, justement ? On va où ? On va pas nulle part, on quitte quelque chose, mais on va ailleurs. Et donc, là, à partir de là, on crée des espaces pour justement se déconstruire, pour justement prendre du recul. Moi, c'est ce que j'ai eu besoin de faire, de vraiment faire une rupture assez totale parce que je n'arrivais plus à me repérer, j'arrivais plus à me repérer dans le discours du greenwashing. Je savais plus qu'est-ce qui était vraiment écologique, vraiment vert, vraiment juste, parce que dans les faits, dans les images, dans la communication, tout était parfait, mais sur les entreprises de la transition énergétique, donc que j'ai déserté, industriel. Mais voilà, donc c'est aller recréer ces espaces justement d'organisation et de réflexion sur le démantèlement, sur ce qu'on refuse et ce qu'on veut mettre à la place justement. Et je vais te faire là une transition, j'espère une passe décisive toute trouvée, mais tu as beaucoup mentionné la question de la guerre dans ton propos, et la guerre c'est quand même une affaire de mecs. Léa, tu abordes dans ton ouvrage la question du patriarcat et de ses liens justement avec la question du béton et de ses imaginaires. Donc est-ce que la paix est une affaire de femmes ou ça rejoint, enfin je vais répondre à ta question, mais qui va me permettre de rebondir un tout petit peu sur la question précédente quand tu disais nous sommes tous des bétonneurs, ou je sais plus trop comment tu as formulé ta phrase, mais justement moi j'ai vraiment j'ai pris soin à nommer très clairement qui j'appelais les bétonneurs. Et à mon sens, il y en a peut-être dans la salle, mais je pense pas. Mais à mon sens, nous ne sommes pas des bétonneurs. Et justement, dans cette différence entre les bétonneurs, où on peut, enfin, je sais pas, ça peut être n'importe quel autre secteur industriel. Mais le nous, c'est bien. Il y a bien une grande différence, c'est que le nous, pour moi, il englobe une grande partie de personnes ou d'espèces qui sont entre guillemets victimes ou exploitées justement par d'autres. Et donc dans les bétonneurs, on est vraiment sur là ce qui est propre à la filière béton, mais ça va être des grandes majors du BTP, ceux qui détiennent le capital et qui exploitent des ressources et des personnes. Humaine ou pas, et du coup le nous, il englobe un ver de terre, mais il englobe aussi un ouvrier du BTP, il englobe un architecte, il englobe un militant. Et c'est là, donc ça rejoint ensuite la question des alliances que j'évoquais. Et donc ce gros paquet des bétonneurs, il y a quand même un constat qui est que c'est un monde d'hommes qui est fait par les hommes et pour les hommes, quoi. Donc le monde qui a été construit, en tout cas dans, on va dire, une certaine tranche historique assez contemporaine, mais pour autant, même quand on remonte dans l'histoire, quoi, où les femmes ont été invisibilisées par l'histoire, parce qu'en fait elles sont dans l'acte de bâtir, en tout cas elles sont présentes depuis des millénaires, voire même dans certaines cultures c'est elles qui bâtissent, quoi. Et du coup les femmes ont été complètement invisibilisées, ou ça reste un secteur où en fait il n'y a que 13% de femmes dans le secteur du BTP, 2% d'ouvrières, et du coup on voit que c'est aussi des espaces de pouvoir où les femmes n'ont pas de place, quoi. Et puis après, quand on déplie la question du patriarcat et des rapports de domination et de réfléchir à ça avec une notion de spatialité et d'espace, on voit que, il y a plusieurs théoriciennes féministes matérialistes dans les années 70 qui ont posé des liens entre les rapports de domination, comment les femmes ont été parquées, mais aussi la ségrégation raciale, enfin toutes ces questions-là, où on comprend qu'en fait les perspectives désirables et futures, elles sont inclusives, et elles prônent en tout cas une diversité, une différence, une acceptation et un respect de la différence. Ce qui va à l'encontre totale de ce qui est aujourd'hui posé par justement les bétonneurs et ce système bétonné qui en fait, étale une uniformité d'un matériau, mais aussi d'espaces qui sont produits, et y a des espèces de modèles qui sont pensés sur la question de l'habiter ou les questions de se déplacer, avec un modèle qui est répliqué à une échelle globale, et où on se rend compte qu'en fait toute minorité est exclue, marginalisée, réprimée. Et à mon sens, c'est vraiment un sujet. Enfin, la question du béton et plus largement de la construction, de penser la ville, tout ce sujet-là, il y a vraiment une place énorme justement pour la lutte féministe et décoloniale, puisque ça découle aussi de ça. Et puis ça c'est tout un sujet de mes recherches aussi, mais c'est sur les questions les questions coloniales qui sont intrinsèques à ça, quoi. Jeanne, tu peux nous en dire plus sur les déserteuses ? Bien sûr. Alors les déserteuses, c'est donc un collectif qui a été fondé en 2021, quelque chose comme ça. En gros, on s'est retrouvés, donc pour refaire un petit peu les dates, moi j'ai fini mes études en 2019 et j'ai décidé de ne pas commencer à travailler. J'avais cette possibilité parce que j'ai terminé mes études au Danemark. Et au Danemark, il y a un chômage juste après avoir fait un master qui est accessible aussi aux membres de l'Union européenne. Et donc ça m'a donné cette possibilité de justement prendre le temps Voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, il faut le rappeler. Donc de ne pas travailler tout de suite et de vraiment pouvoir me dire ah, bah, alors qu'est-ce que je fais ? J'ai besoin d'analyser ce de quoi je suis sortie, ce système duquel j'essaye de sortir, mais en même temps j'y suis encore. Enfin, bah. Et donc ensuite j'ai été explorer les luttes. Je suis rentrée en France et j'avais besoin de comprendre. Donc j'avais besoin d'aller de l'autre côté des projets que j'aurais modélisés, donc des projets d'infrastructure énergétique, notamment pour la transition énergétique, mais pas que, en général. Tout fait partie du même système géré de la même manière et basé sur une économie globale coloniale et prédatrice. Et donc je suis allée à la rencontre des luttes antinucléaires, à la rencontre de en Aveyron notamment, où il y a eu une lutte contre un méga transformateur pour connecter des champs d'éoliennes industrielles au réseau de haute tension, donc qui transporte l'électricité sur des très grandes distances. Et donc de là, dans des camps militants, etc., on s'est rendu compte que, et dans des chantiers aussi sur l'énergie, sur la critique des méga réseaux, mais aussi la pratique de l'autonomie énergétique, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient aussi issues de formations techniques, scientifiques, d'ingénieurs, et en chantier avec des personnes qui étaient plutôt là, qui bidouillaient l'électricité ou autre sans avoir forcément la théorie. Et on a voulu, et donc on a mis ça ensemble, et on était c'est marrant parce qu'on a les personnes qui ont la théorie, qui sont incapables de brancher deux câbles, et puis les autres qui bidouillent et qui se débrouillent très bien pour fabriquer des choses sans avoir toute la théorie électrique derrière. Et on s'est posé la question, à partir de cette critique-là, mais quel est le rôle des ingénieurs dans tout ça finalement ? Nous, on est là à vouloir créer de l'autonomie énergétique, mais aussi de l'autonomie politique, parce que les infrastructures sont la manière de pour le pouvoir de s'asseoir sur les territoires, les populations. Et on a voulu creuser un peu ce truc-là de, c'est marrant, on se retrouve dans le camp opposé, finalement, des projets qu'on aurait pu mener. Et on le dit pas trop, on est un peu frileux à assumer qu'on est l'ennemi, finalement, ces ingénieurs qui, du coup, conçoivent ces projets, les développent, les proposent, les aménagent. Et donc, on a voulu commencer à réfléchir à ça. Donc, de là, on a fondé ce collectif des désertes heureuses. Et ça partait aussi du constat que, moi, je me retrouvais dans ces luttes, à lutter contre des projets inutiles, etc. Puis, à côté, j'avais encore quelques contacts avec des amis d'école d'ingénieurs, qui étaient en train de travailler à continuer à proposer ce type de projet. Donc, à un projet contre lequel on lutte, que la lutte soit ait du succès ou pas, enfin, réussir ou pas, il y en a encore 100 dans les cartons des départements de R&D, des cabinets ministériels et compagnie. Et du coup, je me disais, mais c'est quand même fou, ça serait bien de faire d'aller les chercher, ces gens. Et puis, au milieu de tout ça, il y a plein de gens qui doutent, et ça commençait quand même à se réveiller un petit peu dans le milieu étudiant des grandes écoles, justement, après les mouvements climat et tout ça, et où il y avait pas mal de gens qui se posent des questions, qui doutent, mais encore une fois, en étant encore dans ce mode de pensée et ce formatage, c'est difficile de prendre du recul en étant encore baigné dans le discours, etc. Du coup, voilà, on a voulu faire une passerelle un peu entre le monde des ingénieurs, le monde des luttes, pour dire venez explorer tout ça avec nous, tenez des ressources pour justement avancer, réfléchir, diffuser des témoignages aussi de gens qui ont ces parcours-là, de remise en question, de qui sont encore dans le travail mais qui sont en dissonance totale, qui ont essayé de proposer des trucs mais qui se sont retrouvés dans l'impasse de vouloir changer le système de l'intérieur, etc. Donc voilà, on a commencé à faire un site internet, diffuser des témoignages, organiser des rencontres, écrire des choses, et petit à petit, il y a la rencontre qui s'est faite avec aussi les agros qui bifurquent, donc ceux qui ont fait le discours de désertion, hop, et puis il y a un peu tout ça, ça fait partie un peu de cet écosystème là des sciences et techniques engagées, dont la désertion venait rajouter un peu un flanc radical, je pense, parce que c'était quand même inattendu de la part, et quand le discours des agros a fait un buzz là sur YouTube et puis dans la presse, c'était quand même assez plus radical que les autres postures et discours qu'il y avait eu avant, qui étaient plutôt on va relever les défis avec nos outils et tout ça, avec les industries. Là, c'était vraiment nous sommes le problème, nous ne voulons pas participer, on s'en va, on va faire d'autres choses ailleurs, on va monter des fermes, on va essayer de lutter contre les industries, etc. Et en parlant de ça, je sais que c'est une question qui vous revient souvent, parce que vous êtes des figures aujourd'hui identifiées justement de cette désertion et cette bifurcation. Mais qu'est-ce que vous dites à ces jeunes, puisqu'on est dans notre thématique Place à Demain, donc c'est aussi la jeunesse qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous racontez à des étudiantes, des étudiants qui ont fait le choix des études d'architecture ou d'ingénieur et qui se disent mais en fait, j'ai pas envie de construire, ça n'a pas de sens pour moi. Qu'est-ce que vous leur racontez? Qu'est-ce que vous leur dites? Je sais que c'est quelque chose sur lequel on vous sollicite régulièrement. Léa comme Jeanne, vous êtes interpellée par des associations étudiantes pour venir réaliser des conférences dans les écoles, un peu partout en France, que vous écumez. Et encore merci d'être venue, parce que vous avez des agendas très remplis. Et voilà, qu'est-ce que vous avez à raconter, à transmettre à cette jeunesse qui va devoir justement se coltiner cette problématique qui ne fait que s'accroître? Alors, moi, il y a des choses très très concrètes, quoi, qui sont propres à l'architecture que je peux dire, enfin, en fonction du contexte, mais plutôt, il y a des moments où je peux dire, bah, en fait, c'est ok d'aller bosser dans une grosse boîte, c'est ok d'aller bosser justement chez un bétonneur, quoi. En fait, va apprendre justement le système, comment là le système qui dysfonctionne, comment ça marche pour justement avoir des armes pour essayer de, enfin, en fait, c'est ok si tu pars pas tout de suite. Dans un petit collectif qui travaille la terre crue et en fait et forge-toi un esprit critique aussi en comprenant comment ce système dysfonctionne. Et après, en tout cas aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que il y a vraiment une remise en question nécessaire du rôle de l'architecte et de cette figure qui bâtit de rien, quoi, et vraiment de se tourner drastiquement vers des métiers qui vont travailler l'entretien, la maintenance main dans la main avec des artisans. Et donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de travail à faire justement du côté de la rénovation du bâti. Et du coup je pense qu'il faut des architectes. Je pense que la façon dont les architectes, la figure de l'architecte en tout cas, a été posée depuis des siècles, quoi. Donc voilà, comment je veux dire, cette figure ou du petit soldat ou de tous les rois qu'on a pu avoir, ou des présidents de la République ou autre, quoi. Enfin, en fait, tout ça, c'est à déconstruire. Mais du coup, d'encourager cet imaginaire à déconstruire et de trouver énormément de force et de sens dans des petits actes de réparation. Enfin, voilà, où en fait, on n'est pas obligé de se construire en devenant une grande figure, quoi. Donc il y a déjà un peu tout ça, et qui est aussi une grande posture d'humilité à mon sens de ce métier-là. Et après, moi je suis quelqu'un que, dans mon parcours, j'ai toujours eu plein d'activités, quoi. Enfin, en fait, je me définis avec une pratique très très pluridisciplinaire, et moi je me suis nourrie du théâtre, et encore maintenant, quoi, je fais de la scénographie, j'ai travaillé l'écriture, les arts plastiques, et du coup vraiment et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de ça, quoi. On a besoin de se nourrir de plein de pratiques différentes, et c'est ok de pas rentrer dans une case, quoi. Et donc du coup je pense que, enfin, comme je dis, je pense qu'en fait c'est voilà, si on a envie et besoin d'avoir telle expérience et de faire une pause, c'est, enfin, et voilà, et ça va avec l'idée de déconstruire un peu cette vision carriériste dans laquelle je pense qu'on commence à se détacher de plus en plus, quoi. Mais et puis après, et c'est pas qu'aux étudiants en architecture, hein, mais c'est comment on se raccroche à des dynamiques locales, et comment à travers aussi sa pratique, comment on peut apporter des compétences et se nourrir de luttes locales et de sujets engagés qui dépassent notre propre métier. Donc par exemple, si au sujet de l'architecture, c'est très beau de s'intéresser aux matériaux biosourcés ou de, voilà, mais en fait ça veut dire quoi, s'intéresser aux ressources d'un territoire, et du coup quelles populations sont impactées par nos métiers, en fait, ou les matériaux qu'on va utiliser. Et donc à mon sens, il y a aussi vraiment un besoin de politiser aussi un peu plus nos pratiques, et ça donne beaucoup de force, enfin en tout cas de mettre un pied dans les luttes, et au sens très très large du terme, hein, pas que des luttes écolo, ça donne énormément de force. Et quand on est étudiant, quand on sort tout juste de ces études et qu'on a une perte de sens, on peut aussi trouver beaucoup de force et de sens dans les luttes, quoi. Je peux peut-être rebondir rapidement parce que c'est hyper intéressant justement de cette discussion parce que je vois tellement de parallèles. Moi-même, je bosse avec des amis archi bifurqueurs, déserteurs dans une association qui s'appelle Hydromonde. Mais je vois tellement de parallèles entre le monde de l'architecture, de la bifurcation de l'architecture et du côté des ingénieurs et en même temps des choses où il y a des... Parfois, quand on va penser aux sciences, à l'ingénierie, aux techniques, à l'industrie, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est quand même assez difficile de. Je trouve que le formatage, je sais pas comment dire, personnellement, j'ai pu être un peu jalouse de mon ami justement qui a fait archi et qui a pu lui prendre ses études à contre-pied et venir faire et venir dire bon ben voilà moi je veux travailler sur le bâti enfin en tout cas l'impact d'un effondrement de digue sur un fleuve au Brésil et comment ça a transformé les territoires les communautés etc qui ont été impactées et où moi dans mes études je savais pas j'ai suivi le fil la solution toute faite, il y a un problème de changement climatique, il faut décarboner, donc on va faire des énergies renouvelables. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était la fausse bonne solution. Mais en tout cas, par rapport à quand je vais revoir des étudiants et tout, et qui sont en questionnement, etc., c'est un peu ce truc de, il n'y a pas un parcours unique, quoi. Il y a, ouais, être déjà, le simple fait d'être dans tes études et de te rendre compte et d'avoir un regard critique dessus et de te rendre compte, ça va où? Qui c'est qui me fait le cours? Pourquoi? Qui finance cette école? Et ça me mène à quoi comme métier? Moi, je ne me posais pas cette question quand j'étais en études. J'étais, bon, je fais des sciences, c'est super, c'est rigolo, je fais l'électromagnétique, et puis après, je dis, ah, non, mais c'est n'importe quoi tout ça. Et du coup, c'est déjà une forme de désertion d'être là dans cette posture, dans les études, et de dire, ok, il se passe ça, il y a telle lutte de territoire, il y a ce système qui fonctionne comme ça, je suis formée à quoi? Et ensuite, ouais, c'est pas évident parce que la question c'est toujours, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Et en effet, je pense que peut-être pour l'ingénierie, il y a moins d'alternatives, en tout cas un peu évidentes, de dire, ben, on va retourner faire des matériaux biosourcés, de la construction locale, de la rénovation. Pour l'ingénierie, bon, ben, tu peux aller travailler à l'usine et te rendre compte de la condition ouvrière. Déjà, c'est un premier pas peut-être. Mais bon, c'est pas évident parce que, je trouve qu'il y a peu de propositions, il y a peu d'imaginaire de faire autrement, de démanteler quoi. On peut se sortir du truc pour prendre du recul et puis dire je ne veux pas participer. Mais comment transformer la pratique de l'ingénieur? Et après, c'est la pratique de l'ingénieur, c'est hyper vaste parce que ben voilà, on peut avoir des ingénieurs en génie civil qui vont du coup concevoir, gérer, opérer l'industrie du béton, les chaînes de production. On peut avoir des ingénieurs qui vont être dans une usine à gérer la production en direct. On peut avoir des ingénieurs en R&D qui conçoivent le truc. Bon, voilà, c'est justement par, comme tu le dis, le comprendre comment ça fonctionne tout ça, qu'on va pouvoir trouver petit à petit et en se mettant en collectif et en s'organisant pour justement comprendre tout ça ensemble et se dire ah bah tiens, comment on peut faire autrement, comment on peut prendre le contre-pied. J'allais rajouter plein de technologies soi-disant vertes, toujours basées sur un système colonial et faire une transition qui maintient juste les mêmes systèmes et les mêmes destructions et les mêmes injustices. Bon ben, ok, comment je peux participer à réfléchir à une transition décoloniale, à d'autres formes de systèmes énergétiques, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup à inventer. Moi, c'est ce que je dis un peu aux élèves, c'est peu importe le parcours, il y a un moment, il va falloir imaginer des choses, d'autres formes de travailler, quoi. Et c'est un peu bah, voilà, ce qu'on essaie de faire, et d'aller à la rencontre du territoire, du terrain, aller se rendre compte, en fait, d'abord, première étape, quoi, aller se rendre compte de ce qu'on fabrique, au-delà de nos modèles, quoi. Aller se rendre compte de ce que ça fait en direct sur les communautés, sur la vie des gens et des écosystèmes, quoi. Oui, et j'ajouterais même comment mettre ses compétences. Enfin, justement, quand on ne sait pas quoi faire en fait après ses études, il y a aussi cette idée de pouvoir mettre ses compétences et ses outils, avec un grand entre guillemets, au service des luttes. pareil, un grand entre guillemets aux luttes, hein, mais ça, moi je fais un tout petit lien avec une dynamique qu'on a montée à plusieurs architectes, artisans, artisanes, qui s'appelle les bâtisseuses des terres, avec, qui est dans la lignée d'un autre, d'une autre dynamique qui s'appelle les naturalistes des terres. Donc un peu ces groupes de personnes qui ont un métier, questionnent leur métier et se demandent comment, et qui ou justement désertent ou bifurquent ou ont envie de pouvoir donner un peu plus de sens en ayant un regard extrêmement critique aussi sur son propre milieu professionnel et de se dire mais comment est-ce que moi je peux mettre ces savoir-faire ou ces compétences au service d'eux. Et à plein d'endroits il y a des possibilités justement d'agir très concrètement et en tout cas dans le monde de l'aménagement du territoire ou de l'architecture de contre-projets, de comment de construire des cabanes pour justement occuper des chantiers, de... en fait il y a mille possibilités dans le métier que moi je pratique, mais de quand on a toutes ces compétences-là, après, je sais pas moi, 5, 6 ans, 7 ans d'études, c'est possible et nécessaire de les utiliser aussi dans ces espaces-là. Voilà. J'ai vu qu'il y avait que des gens très très jeunes dans la salle, donc, mais si jamais on veut s'adresser aux gens qui sont pas étudiants, qu'est-ce que les citoyennes et les citoyens peuvent faire à leur échelle pour participer justement de votre ambition de transition et de bifurcation? Et par où on commence finalement? Et par où on commence surtout quand on fait partie de notre société et puis qu'on a envie d'aider, mais on est peut-être pas ingé, on n'est peut-être pas archi, on n'est peut-être pas dans le bâtiment, on n'est peut-être pas dans le BTP. Et qu'est-ce que vous nous inviteriez à faire? Comment on peut agir, soutenir? Ce serait quoi le début? Lutter. Alors tu dis lutter, et comment s'incarne oui. La lutte? Alors, comment, je sais pas, c'est une question tellement vaste, je veux dire. Alors là, je vais vous donner un mode d'emploi sur que faire dans ce monde qui part en cacahuète. Parce que j'ai toutes les solutions, bien sûr. Alors, lisez Désertons et désarmer le béton déjà, et puis diffuser tout ça. Non, je sais pas, franchement, je sais pas trop par quoi... embrayé sur cette question-là, c'est je pense que il y a un peu ce truc de voilà, nous on va parler de nos pratiques, nos positions qui partent de l'archi, l'ingénierie, puis maintenant avec l'exploration de nouvelles pratiques aussi. Moi aussi, je pratique d'autres, enfin j'essaie, j'expérimente d'autres choses que les modèles Python sur ordinateur, grand bien me fasse. Mais il y a se situer. En fait, c'est un peu ce truc de on je pense que participer déjà à des dynamiques de se rendre compte qui c'est qu'il y a autour de nous, qui c'est qui partage l'eau qui nous traverse, qui traverse nos corps, qui traverse nos bassins versants, et se dire comment on peut réfléchir ensemble à ces communs-là qui nous donnent la vie. Et après, ça en découle tout un tas de questions. Enfin, c'est la question de la démocratie directe, hein, et de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on fabrique là où on est, et de comment vivre ensemble, voilà, en prenant soin de tout ça. Et du coup, évidemment, je pense qu'il y a plein de dynamiques différentes. C'en est une sur ce territoire-là de l'Orne. Et c'est ça qui est, je pense, que qui nous donne de la force et l'envie d'avancer et de lutter, quoi, de se dire que qu'on n'est pas tout seul et que on peut se poser des questions simples pour parler de trucs hyper compliqués comme avec mon asso du coup Hydromonde, on va dans des territoires, on enquête et on essaye de poser la question d'où vient et où va l'eau de ton robinet, et puis à partir de là on peut dérouler tout un tas de sujets qui vont parler de d'écologie, qui vont parler de d'industrie, qui vont parler de d'agriculture, etc. Et c'est où qu'on remet ces lieux de débat et de décision collective, quoi. Je pense que voilà, c'est un peu, je sais pas si ça répond exactement à la question, mais bon. À Léa, quel serait justement pour toi un début? Alors, c'est une question qui est vaste, hein, bon, évidemment. Encore une fois, à l'échelle des citoyens et citoyennes, comment on peut en fait participer aux luttes que vous décrivez, puisque je sais que le public présent, a priori, est largement convaincu, je l'espère, de l'utilité de ces luttes, et peut-être certaines et certains se demandent comment ils peuvent, à leur échelle, y contribuer. Donner des sous. Financer les régimes. Comment y contribuer? Il y a des façons très concrètes de contacter les différentes luttes locales là où on habite, quoi. Donc bon, ça c'est très concret. Et après, au sein des luttes, il y a plein de façons de s'impliquer différentes. On n'est pas forcément, en fonction de son âge, de sa mobilité, du temps qu'on peut apporter. Il y a énormément de façons de pouvoir lutter et pas forcément sur le terrain, quoi. Donc ça c'est, il y a besoin de tout le monde, quoi. Vraiment, il y a besoin de tout le monde. Et après, je te rejoins un peu sur ce que tu disais et que je dis aussi dans le livre. C'est, à mon sens, il y a vraiment cette idée de faire un pas vers l'autre qui est genre vraiment bateau, mais en fait dans un monde où on a quand même une montée du fascisme assez délirante et flippante, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de faire du lien, quoi. Et donc en fait c'est pas parce qu'on n'est pas architecte ou qu'on n'est pas ingénieur ou qu'on n'est pas en fait le faire du lien il dépasse aussi son métier et enfin je fais le lien beaucoup moi dans le livre aux questions de l'alimentation et de l'agriculture où on n'est pas forcément agriculteur et pour autant on commence un peu à s'intéresser à ce qu'on mange, ce qu'on a dans nos assiettes, les conditions de travail des agris, même quand on est peut-être loin de ce milieu, on commence à dire ah mais en fait il y a quand même des personnes qui potentiellement meurent de leur métier et sont exploitées, bon peut-être qu'il faut soutenir les agriculteurs et en fait leurs conditions de travail elles sont un peu liées quand même à ce que j'ai dans mon assiette à la fin, quoi. Et ben en fait ça vaut pour tous les secteurs qui nous permettent de vivre. Et donc là, si je reviens à la question de l'industrie, de la construction et de l'aménagement du territoire, en fait, ça nous concerne directement. Donc comment, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans les murs? Enfin, je veux dire, il y a quand même un fait, c'est que l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais du coup, de quoi sont constitués nos murs? En fait, comment l'ouvrier y travaille? Est-ce qu'il est bien payé? Est-ce qu'il a des papiers? Comment on peut faire pour régulariser sa situation potentiellement? Est-ce que moi, j'ai aussi une part de décision dans l'aménagement de cette place publique. Pourquoi est-ce que là, on ne me demande pas mon avis sur comment, je ne sais pas moi, ces berges vont être aménagées ou autres. Et du coup, tout le monde a un rôle à avoir. Et en tout cas, il y a une nécessité de faire du lien. Et je pense qu'en fonction aussi de notre situation et des privilèges potentiellement qu'on a, il y a justement aussi ce, à mon sens un peu ce devoir de faire un pas vers l'autre quand on est conscient ou consciente de sa propre situation. Et c'est pas parce qu'on n'est pas expert d'un métier ou qu'on se dit ah ben non mais moi je sais pas construire, de toute façon bon, voilà on va construire ma maison, ou qu'il faut pas s'intéresser. Donc il y a faire un pas vers l'autre et en fait s'intéresser, et donc je reviens aux questions agricoles et de l'alimentation, mais ça commence aussi un petit peu avec les questions des vêtements ou de tu vois, ce qu'on porte, comment c'est fait, qui fabrique, qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, ça touche à des notions de démocratie, quoi, ce qu'on a à dire sur qui, en fait, est aussi aux manettes de nos vies, quoi. Donc, j'ai fait un gros machin. Mais... Et pour l'énergie, c'est un peu pareil, hein. Enfin, justement, ce truc de il y a quoi derrière le bouton, l'interrupteur électrique finalement. Alors ça devient un peu compliqué et écrasant, mais en partant de justement des problématiques très concrètes, de précarité énergétique aussi, et les syndicats qui des énergéticiens qui bossent là-dessus pour dire à partir de là, à partir de c'est aussi, ça devrait être aussi un droit et un commun, cette question énergétique, de pouvoir se chauffer, se loger et avoir son mot à dire sur comment c'est géré tout ça, et ben comment on fait pour justement se poser ces questions là ensemble. Qu'est-ce qu'il y a derrière le bouton d'électricité? Pourquoi ma facture elle grimpe? Qui a décidé que on libéralisait les marchés d'électricité, etc. Et ça se fait avec les syndicats, avec les qui travaillent sur ces questions là, relier justement ça avec ceux qui conçoivent ces mesures, etc. Justement, je pense que les parallèles entre le monde, le système alimentaire, le système énergétique, enfin, ça revient à cette même question, comment on décide collectivement pour que ce soit le plus juste et le plus démocratique. Rassurez-vous, avec la guerre au Liban, la facture d'électricité va absolument baisser, comme me le prédisait Jeanne tout à l'heure. C'est faux, bien sûr. En parlant de lien et d'art du lien, nous on aime bien à Territoire Pionnier cette définition de l'architecture comme étant l'art du lien. Et ben on va vous passer un petit peu la parole. S'il y a des questions pour savoir quelle est l'étape numéro 2 dans la bifurcation ou toute autre question que vous souhaiteriez adresser à Jeanne et Léa, il y a un micro qui va vous être passé. Il y a une petite règle du jeu, c'est qu'on essaye de formuler sa question en moins de 30 secondes. Et après, Léa et Jeanne se font un plaisir de vous répondre. Bonjour, je suis ravi de voir des architectes et des ingénieurs jeunes se mettre sur le chantier de tout ce qui ne va pas et pour modifier. Je pense qu'on a, oui, on arrive vers un monde dystopique, ils sont en train de nous faire un monde dystopique. Donc en fait, en plus de ça, on va arriver à un monde qui, où ce qui va se développer, c'est le système D. La production industrielle dans le PIB est à 9%, ça veut dire qu'en fait, à force de délocalisation et d'actionnariat, il n'y a plus de puissance industrielle. Donc il va falloir, oui, inventer et faire système. Moi, ce que j'ai, enfin, je vais poser une question très simple. Pourquoi il y a aussi peu d'architectes qui se penchent sur la question du logement, qui grimpe, qui monte dans les populations, dans tous ceux qui essayent de faire du communalisme un peu partout en France, là, dans l'actualité. La question du logement, elle monte. Pourquoi il y a aussi peu d'architectes qui travaillent le logement? Le mètre carré habitable, personnellement, je pense que c'est un crime contre l'humanité. Quand est-ce qu'on y pense, on y réfléchit? Quand est-ce qu'on donne un coup de pied dans la promotion immobilière, l'industrie de la promotion immobilière? Voilà. Bonne révolution. Ben moi, justement, dans le livre, j'ai toute une partie sur la politisation, politiser l'architecture, repolitiser l'architecture, je crois que ça s'appelle comme ça. Et bon, là, on n'en a pas parlé, et puis c'était pas juste spécifique à l'architecture, mais effectivement, moi, je dis et je redis et je rabâche qu'en fait, il est temps qu'il y ait beaucoup plus de liens entre des questions écologiques et sociales dans l'architecture, parce qu'en fait, dans le milieu de l'architecture, il y a beaucoup de, soi-disant, de solutions ou en tout cas d'engagements tournés vers des questions écologiques, très très peu vers des questions sociales. Et en fait, les deux sont liés, parce que bon, quand on s'intéresse à la question du logement et notamment à la démolition massive en ce moment de qui va faire que s'accentuer, mais de quartiers entiers un peu partout en France et en Europe, bah de fait, on s'intéresse à des questions écologiques, parce que bon, in fine, après une démolition, il y a une construction en béton qui s'opère et du logement intermédiaire, plus de logement social, etc., etc. Donc les deux sont très liés, et en fait, les architectes ont qu'à s'investir dans des collectifs et des associations qui luttent, par exemple, pour la réquisition des logements vides. Il y a eu des grosses campagnes tout l'automne et tout cet hiver par, la Fédération du DAL, le droit au logement. Et c'est dommage qu'on n'ait pas effectivement entendu plus de figures qui travaillent sur ces questions-là, donc, dont c'est leur métier, aux côtés d'habitants pour vraiment faire pression pour réquisitionner tout un tas de bâtiments vides un petit peu partout. Et après, sur les questions du logement, en tant qu'architecte, on pourrait aussi essayer de penser quand on pense des immeubles de bureaux, c'est quoi la reconversion en fait d'un immeuble de bureau en logement, quoi, parce qu'il y a, voilà, il y a 9 millions de mètres carrés de bureaux vides en France, et du coup c'est là où je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des architectes, parce qu'il y a quand même les maîtrises d'ouvrage et les décideurs ont en grande partie la responsabilité, mais en tant que concepteur, en fait, c'est quoi un espace qui justement va pouvoir avoir une flexibilité, une durabilité dans le temps, s'adapter à différents usages, etc., etc. Et voilà, je veux dire, en fait, oui, il est temps que les architectes s'emparent un peu plus de questions sociales. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, c'était pas une question, mais c'était plus une interrogation. Parce qu'en fait, vous parlez effectivement de maîtrise d'ouvrage, donc quelque part, c'est des choix politiques. Et en tant que citoyen, on a peut-être aussi la responsabilité d'interroger nos élus, ou en tout cas ceux qui sont sur... ceux qui ont une appétence politique, pour justement savoir quels choix ils peuvent faire. Parce qu'en fait, tout dépend de ce qu'on a envie aussi de développer sur nos territoires. Donc voilà, c'était juste une contribution pour notamment identifier des leviers, parce qu'en fait, on est... On est tous effectivement dans ce monde capitaliste, et quand on veut faire un peu le pas de côté, il faut aussi pouvoir traverser un peu une zone du désert, parce qu'en fait, on est en tant qu'archi ou en tant qu'industriel, et ben on est peut-être blacklisté et on n'a pas la capacité après de pouvoir répondre à des marchés publics. Donc voilà, je voulais juste savoir quelle était l'alternative en tant que citoyen aussi pour interroger nos élus. Merci pour vos résistances. Et donc moi j'avais une question par rapport à ce que vous apportez dans Désarmer le béton. Il y a toute une partie où vous développez le fait que en fait les lobbies du béton, des bétonneurs, ils ont pris le pouvoir, ils ont modifié les réglementations, les normes, et ils imposent en fait des normes qui vont empêcher les résistances d'avoir droit au chapitre. Et donc, ma question est assez simple, c'est quoi les leviers pour rentrer chez les assureurs, les normes et les autres aspects réglementaires ? Bon, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, mais j'avais envie de rebondir un peu sur ce qui a été dit avant par rapport à genre, pourquoi les architectes ou pourquoi les ingénieurs ne s'intéressent pas plus à ces questions de logement, de réglementation, puisqu'on parle de réglementation, de droit au logement et compagnie. Je pense qu'il y a la question de la classe sociale aussi qui rentre en jeu dans pourquoi les gens ne s'engagent pas plus pour faire différemment et tout ça. Il y a peut-être des positions un peu confortables dans ces positions sociales d'architecte, d'ingénieur, ou bien on est valorisé socialement, on a un bon salaire, on n'a pas trop de motivation pour venir remettre en question à la base le système et les injustices, puisqu'on les vit pas forcément. Donc je pense que c'est aussi un des leviers de genre, c'est cette question de la classe et de surtout de la cécité de classe et des systèmes de domination, et où du coup on va, puisque on est dans un système qui nous duquel on bénéficie et qu'on nous maintient par notre position sociale, on va pas vouloir forcément le remettre en question et donc s'intéresser à ces questions de base de précarité, de justice, de logement, et donc on va suivre ce que ce système et ses normes et ses régulations nous disent de faire, et donc exécuter par la conception, l'architecture, la conception de systèmes industriels et compagnie. Ce qui va dans le sens de continuer à développer le capitalisme qui nous, entre guillemets, le rend bien. Voilà, donc ça répond pas à la question des réglementations, etc. Je te laisse embrayer là-dessus. J'ai pas une réponse, et je le dis aussi dans le livre. J'ai pas une solution, il y en a plein, mais je rejoins quand même à nouveau la question des décideurs. C'est qu'en fait les lobbies ils ont un poids auprès des décideurs, et donc nous en tant que citoyens et citoyennes, il y a et là justement avec les municipales qui arrivent, en fait il y a quand même on a aussi une possibilité de au moins avoir un poids avec un vote, quoi. Donc ça reste minime, mais pour autant c'est quand même parce qu'en fait la question de la construction, je veux dire, un maire autorise ou non un permis de construire, donc quand on se rend compte de la chaîne des décideurs dans cette question de l'aménagement du territoire notamment, et de l'industrie des matériaux, bon là c'est une toute petite partie. Et après il y a des personnes, enfin il y a des lignes qui bougent quand même un petit peu, mais il y a des maîtrises d'ouvrage qui sont aussi prêtes à parier sur des expérimentations et apporter des projets qui justement sont un peu décalés de questions normatives et qui vont faire le pari et avoir le courage de porter des projets comme ça. Donc ça, c'est aussi une réalité. Et ensuite il y a des filières biosourcées en France qui existent et qui essayent d'avoir aussi un poids. Et ensuite, quand on travaille vraiment sur les questions de matériaux dans les filières de matériaux, il y a d'autres façons d'agir aussi, mais voilà, enfin la réponse elle est multiple et elle est un peu technique aussi, quoi. Bonsoir, merci pour vos témoignages. Je vais faire l'avocat du diable dans ma question. Le fait de déconstruire, démolir aujourd'hui est pas préférable au vu du coût de la rénovation énergétique, des matériaux employés pour rénover énergétiquement des immeubles qui sont parfois insalubres, qui manquent de place. Il vaut mieux pas parfois raser pour mieux construire? Alors, oui et non. Enfin, je veux dire, quand vraiment, enfin, là, je pense par exemple à Marseille. En fait, il y a des villes en France où il y a des quartiers où en fait la sécurité des personnes et la vie des personnes, elle en dépend. Enfin, je veux dire, donc je dirais que dans ce genre de situation, il y a absolument aucun doute. Mais le non-entretien. Et donc moi, je fais des parallèles avec le fait qu'on prend pas soin des gens, parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est souvent des endroits où en fait, on ne prend pas soin des gens aussi. Donc le fait de pas avoir pris soin de ces bâtiments et de ces immeubles est prétexte à la démolition. Et il faut quand même se rendre compte que c'est des opérations où on a potentiellement à la base 100%, où c'est du logement social, il y a 100% de logement social, on démolit, les personnes se font expulser, reloger, et en fait, ce qu'on remet à la place, c'est pas les personnes qui habitaient là. À la base, ce sont d'autres personnes et on n'a plus 100% de logement social, mais tout juste ce que la loi demande, à savoir entre 20 et 25%. Et donc il y a quand même, au-delà de la spéculation immobilière, il y a quand même tout un quartier qui est transformé et ça a un impact sur la vie de ces personnes qui est considérable. Et donc il y a la question, il y a les questions écologiques hein, et ensuite il y a les questions sociales, mais je veux dire, sur les questions écologiques, il y a des études. Qui sont posées. Enfin, moi, je pense au cas d'une énorme tour en Île-de-France qui aujourd'hui est démolie. Il y a eu plusieurs études qui ont prouvé qu'en fait, le coût énergétique et le coût de l'opération étaient plus intéressants en rénovant, désamiantant, en rénovant plutôt qu'en démolissant et en construisant. Et en fait, ce qui a été fait, c'est qu'au final, la tour a été démolie et par-dessus, c'est une tour en béton et en verre qui est reconstruite, quoi. Donc voilà, mais ça en fait ça arrange l'industrie de pas entretenir et de pas rénover. Du coup le profit il est dans la quantité de béton et de matériaux neufs qu'on va couler et qu'on va pouvoir poser. Donc en fait l'entretien et la maintenance n'est pas profitable à tout ce système capitaliste dont on parle quoi. Mais moi je pose vraiment un parallèle entre aussi ce que ça veut dire de prendre soin d'un bâtiment et ce que c'est que de prendre soin des gens qui ou habitent dedans ou qui ont l'habitude de voir un bâtiment dans leur quotidien. Voilà. J'espère avoir un peu répondu à cette question. Bonsoir, merci. Je voulais revenir un peu sur vos parcours. Je voulais savoir aujourd'hui combien y a-t-il de pourcentage d'étudiants dans les grandes écoles qui bifurquent ou désertent ? Est-ce qu'il y a des chiffres ? Et je voulais savoir si les écoles où vous avez fait vos études, donc Polytechnique et puis les écoles d'architecture, qu'est-ce qu'ils font vis-à-vis de... Est-ce qu'ils réagissent vis-à-vis de ce mouvement des étudiants qui remettent en cause les parcours pour lesquels ils sont destinés ? Oui, alors, des pourcentages, non, il n'y en a pas vraiment. C'est compliqué. Il y a des... Si vous voulez... Le phénomène là des mouvements climat puis de voilà la désertion, les discours et tout ça, ça fait des petits électrochocs, des réveils justement chez les industries quand même, non seulement mais aussi les écoles, et puisqu'ils travaillent quand même un petit peu ensemble. Et donc il y a eu les études qui sont faites par les écoles pour savoir, enfin de toute façon ils font toujours des études pour savoir qui c'est qui va travailler où. Le truc c'est que souvent les gens qui désertent ils répondent pas à ces études, et d'ailleurs il y a la moitié des élèves, des alumni qui répondent à ces études, mais moi ce que j'ai trouvé donc plutôt c'était des sondages qui sondaient un peu le rapport au travail des étudiants et le rapport aux industries et tout, et aux grandes entreprises, et où plutôt c'est qui se voulait, on va dire, donc plutôt rassurant presque, en disant, enfin plus ou moins rassurant, en disant les élèves ne veulent pas quitter le métier, mais ils veulent travailler pour des entreprises responsables. Donc à partir de là, les entreprises se sont responsabilisées avec les départements de RSE, de responsabilité sociétale, je sais plus, des entreprises. Et donc c'est un peu voilà tout le truc de là derrière il y a le greenwashing qui en découle, etc. Parce que donc il y avait eu en 2018 un manifeste étudiant pour un réveil écologique qui avait été signé, qui avait mené à justement cette récupération qui avait été signée par 30 000 élèves de Polytechnique et Centrale et je sais plus quelles grandes écoles, et donc qui avait mené un peu à cette espèce de truc de on va travailler avec les grandes entreprises pour pour les responsabiliser, mais et pour aussi en même temps aider les étudiants à décrypter le greenwashing, etc. Donc c'est un peu ambigu parce que finalement, ben les entreprises s'adaptent, etc. Donc c'est difficile de chiffrer. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que déjà par rapport à quand j'étais en école, donc il y a 10 ans, le chemin qui a été fait depuis, où quand même les élèves se mobilisent, il y a des initiatives, donc notamment il y a une grosse asso qui s'appelle Ingénieurs sans frontières et qui a donné naissance aussi à plein de petits groupes locaux dans les écoles d'ingénieurs, ingénieurs engagés, et qui travaillent notamment avec aussi les profs des départements de sciences humaines et sociales qui sont aussi qui accompagnent aussi beaucoup les élèves dans leur mobilisation et dans leur réflexion, pour justement changer les formations, pour dire en fait les demandes, c'est de dire on veut que les sciences humaines et sociales nous aident beaucoup, soient beaucoup plus présentes et nous aident beaucoup plus à éclairer les impacts des techniques, etc. Parce que quand on fait des SHS, donc sciences humaines et sociales en école d'ingé, c'est un petit pourcentage, c'est un peu les hobbies quoi, pour les élèves, ils vont faire un peu de littérature, un peu d'histoire de l'art, nanana, et puis en fait c'est jamais de la philosophie des sciences, de l'histoire des techniques, qui vraiment aide à comprendre ce que c'est que l'ingénierie, ce que c'est que les industries et compagnie. Donc ça bouge quand même, les écoles réagissent parce qu'elles voient bien qu'il faut répondre à cette demande des élèves. Après c'est évidemment, ça bouge pas radicalement non plus, hein. C'est petit à petit, mais quand même il se passe des choses, et c'est pour ça que il faut continuer à faire ces flancs radicaux là. Il faut continuer à relier justement les élèves, les mobilisations, les gens, les cadres aussi qui commencent à critiquer un peu les choses dans les industries, dans leurs entreprises, pour continuer à pousser ce mouvement-là. Alors, est-ce qu'on peut parler de réforme des écoles, etc. Moi, je pense qu'il y a un certain niveau de réforme possible, hein, en fonction de l'école aussi, évidemment. Voilà, donc c'est un peu varié, quoi, mais pourcentage exact, j'ai pas. Peut-être juste pour compléter rapidement, mais il y a 2 ans, il me semble, l'intégralité des écoles d'architecture de France était bloquée dans un mouvement qui était coordonné, et ça faisait aussi partie, c'était au cœur des revendications des élèves et des enseignants, d'une volonté de transformation profonde des maquettes pédagogiques, pour vraiment avoir une formation et des cursus qui soient en cohérence avec les appétences des étudiants, qui aujourd'hui sont largement informés et ont une envie vraiment d'aller beaucoup plus loin et de ne pas exercer le métier finalement qu'il aurait, entre guillemets, qu'il aurait promis. Donc il y a quand même un changement dans les imaginaires, dans la culture collective. C'est quelque chose qu'on voit se pointer, et c'est aussi, ça se traduit notamment dans le fait que Léa comme Jeanne sont interpellées par ces étudiants pour venir, pour exercer aussi une forme de rapport de force, hein, avec les écoles qui sont accompagnatrices, mais qui sont limitées aussi structurellement, hein. Donc il y a quand même du bouger, il faut s'en réjouir, sûrement pas assez, mais c'est un bouger qui est réel, qui est mesurable. Si Léa, je ne sais pas si toi aussi t'interviens en école d'architecture régulièrement. Non, en fait, moi ça fait plus de 15 ans que je suis sortie de l'école, mais quand au moment de mon diplôme d'architecture, c'est quand il y a le Grand Paris qui a été lancé par Sarkozy. Et bon, moi je me souviens, je me sentais déjà vraiment en décalage, où je savais que j'allais partir ensuite dans le théâtre après ça, parce que ça avait été assez violent, et j'avais fait mon diplôme sur la réhabilitation d'une toute petite halle en briques qui aujourd'hui a été démolie, et il y avait la moitié du jury qui avait un peu défendu mon projet, et l'autre moitié qui vraiment m'avait, enfin je m'étais fait défoncer quoi, où il fallait absolument densifier, construire, tralala, enfin c'était hyper violent. Exploiter chaque petit bout de vide, et en fait c'est marrant parce que j'y repensais, donc je voulais mentionner quand même ce qui s'était passé en 2023 aussi, et donc quand je raconte cette anecdote là je me dis, mais en fait je pense que la situation que j'ai vécue ne se repasserait pas aujourd'hui, et donc en me disant ça je me suis dit, donc les choses elles ont quand même changé. Et moi justement je me souviens en 2010 quand moi j'ai décidé de partir en théâtre, j'en pouvais plus en fait de me dire que ce métier ça allait défoncer des terres agricoles, en fait que ce métier d'architecte c'était construire là où il n'y a rien quoi, sans se préoccuper de gens qui étaient impactés contacter, de la ressource, de tout, enfin tout ce qu'on a pu déballer là. Et quand je vois en tout cas les retours ou d'étudiants et d'étudiantes des mouvements qui ont pu se lancer, et je pense au collectif de Herbe Rouge qui nous a présenté leur travail tout à l'heure, mais de voir qu'en fait il y a des étudiants ou des jeunes architectes qui en tout cas ont l'air d'adresser de façon assez massive des questions, enfin des enjeux contemporains, et de se questionner et de questionner le monde autour d'elles et eux, je me dis que ça a quand même un peu bougé. Et y compris, je dirais même, sur des questions féministes. Parce qu'en fait, je pense que c'est quand même des milieux où dans les écoles, il y a eu un moment où nous, quand j'ai étudié, il y avait peu de femmes. Aujourd'hui, il y a eu un basculement dans les écoles d'architecture où c'est énormément de femmes qui étudient. Et du coup, rien que ça, bon, ça pose aussi quelque chose, quoi. J'en profite pour vous dire que demain soir, en direct sur Radio Phoenix, nous aurons une émission consacrée à la place des femmes dans l'architecture, qui revient justement sur ces enjeux. Et pour répondre aussi à votre question, mais les élèves de l'école d'architecture de Rouen organisent dans le cadre de Chantier Commun une rencontre sur la place des femmes dans l'enseignement de l'architecture. Parce que s'il y a une majorité d'étudiantes aujourd'hui, il y a toujours une très très très grande majorité d'enseignants, ce qui pose évidemment aussi des sujets. Et donc c'est deux thématiques qui seront adressées pendant Chantier Commun. Peut-être une dernière question dans la salle. Allô ? Oui. Ouais. Je m'interrogeais, c'est très large globalement, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle n'est pas finie, tout ça, etc. Mais il y a aussi une très très forte question de pouvoir d'action. Comment on lutte globalement ? Comment on permet de tenir un rapport de force face à ce système justement ultra-inertiel que vous avez décrit ? Et au-delà de l'inertie, avec tous les pouvoirs militaires de répression, de surveillance au sein de ces luttes ? Et ma question là-dedans, c'était... Dans quelle mesure, pour contextualiser, je suis étudiant ingénieur, je suis en plein dans ces questionnements, hein, dans quelle mesure le fait de déserter, de faire à côté, de faire autrement, c'est une réelle remise en question de ce système, quand on voit par exemple que, si on prend l'exemple du BTP, qu'un Lafarge s'accommode très bien en fait, du développement de la terre crue, du chanvre ou des choses comme ça, arrive à l'absorber et à le réintégrer dans des dynamiques capitalistes sans arrêter complètement toutes les questions de béton, etc. Il n'y a pas en fait, de concurrence aujourd'hui entre le développement d'alternatives et le système actuel. Comment on peut tenir ce rapport de force-là, faire collectif et embarquer par exemple des collectifs aussi de travailleurs, des collectifs antiracistes, etc., sans se poser en fait, dans une posture aussi de surplomb d'une certaine manière qui nous est permise par des ressources très importantes, qu'elles soient culturelles, économiques, etc. Et je veux bien juste qu'on prenne la deuxième question de ta voisine à droite, qui avait levé la main en même temps. Oui, parce que du coup, j'avais aussi deux questions, mais vous pourrez choisir laquelle. Je voulais savoir qui vous avez inspiré dans vos parcours l'une et l'autre. On a parlé de la place des jeunes et de place à demain, mais aussi, voilà, j'aimerais bien savoir... S'il y a des gens qui ont nourri ce que vous présentez aujourd'hui. Et ma deuxième question, c'était tout bête, c'était de quoi vous vivez matériellement l'une et l'autre aujourd'hui ? Qui paye vos salaires ou autres si vous n'êtes pas salarié ? Enfin, voilà, ça me semble important quand même de poser ça. Merci à vous deux pour vos questions. Je veux bien répondre à la première question. Alors déjà, comme je l'ai dit, pour moi, la désertion, ce n'est pas juste un acte de partir... et plus rien faire, c'est s'organiser, c'est pour moi elle doit être collective, elle doit être pensée à l'échelle de la société, une industrie, une usine, une université, etc. Moi aujourd'hui mon engagement là il continue autour de la désertion, il continue en essayant de m'intéresser, en réfléchissant à quoi pourrait ressembler et comment on fait une alliance, des alliances ingénieurs ouvriers, ingénieurs déserteurs ou pas ouvriers, écolos, etc. En partant de problématiques très concrètes, notamment j'ai envie de parler de Total Energy de la conversion de leur raffinerie en plateforme zéro pétrole et en raffinerie soi-disant écologique, entre guillemets. Et donc l'idée, c'est que juste au lieu de prendre le pétrole brut comme matière première, l'idée, ça va être prendre des matériaux, de la graisse animale ou végétale, donc issue soit de l'agriculture, soit de l'élevage carrément, des soi-disant du recyclage justement des déchets de ces industries, mais en fait il se trouve que c'est des cargos de graisse importés de l'autre bout du monde, enfin, ou bien ça va reposer sur l'agriculture industrielle, et donc enfin on remplace un problème par un autre et on continue de renforcer toujours les mêmes systèmes. Et donc il y a eu donc c'est les raffineries de Total, donc il y a Le Havre, La Mède dans le sud-est, et la raffinerie Grand Puy en Seine-et-Marne, qui sont en reconversion, en démantèlement puis conversion vers plateforme zéro déchet, qu'est-ce que j'ai dit, zéro pétrole. Oui. Et du coup, il y a eu une lutte. En fait, au passage, tout ça, ça passe par un plan de sauvegarde de l'emploi où la structure de l'emploi sur la raffinerie est complètement changée. Alors, il n'y a pas de licenciement à proprement parler, mais c'est des mutations, c'est des pas de renouvellement, des départs à la retraite, etc. Donc, sur le site de Grand Puy, ça passe de 400 à 250 salariés. Raffineurs, et donc il y a eu une lutte en 2021 qui a été menée par les raffineurs pour défendre leurs droits et puis leur emploi, etc., qui a été rejointe ils ont fait appel du coup à Greenpeace, le collectif Plus Jamais Ça, pour dire attendez, écolo et raffineurs, là on va dire ensemble, Total dit n'importe quoi, c'est pas du tout une transition écologique, c'est pas du tout écologique, et en plus c'est pas du tout juste socialement, et puis etc. Et du coup, ça a été quand même un jalon assez intéressant posé dans cette question des alliances. Et aujourd'hui, moi, il y a un peu le truc à ce moment-là, ces raffineurs donc, que j'ai pu rencontrer, ils voyaient les ingénieurs qui désertaient, là, enfin, justement, les agros qui disaient on s'en va, on ne veut pas participer. Et puis ils disaient mais venez avec nous, venez avec nous réfléchir à comment, enfin, justement, c'est ensemble qu'il faut penser qu'est-ce que c'est qu'une vraie transition juste, qu'est-ce qu'on fait de cet outil de production, comment on réfléchit à non seulement le futur de ces raffineries et de ces travailleurs, mais aussi à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle du monde, en fait, parce que ni ici ni ailleurs, Total, c'est une énorme entreprise coloniale qui continue de mener des projets pétroliers partout dans le monde, et s'ils décarbonent soi-disant la raffinerie, c'est parce qu'ils en font, ils en développent ailleurs pour moins cher, avec de la matière première moins chère et des travailleurs et le travail moins cher. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est justement pour moi, là, cette question de la désertion collective, elle se pose, et nous allons travailler à réfléchir, ok, les ingénieurs, là, qui désertent ou qui soient encore en poste, comment ils peuvent opérer cette désertion, là, de dire tu es au service de la direction de Total, du capitalisme, etc. Est-ce que, depuis ta position, tu peux justement aller rejoindre la lutte sociale, aller toquer à la porte des ouvriers, aller sur les piquets de grève pour dire je vous soutiens, réfléchissons ensemble à comment on transforme tout ça, et comment, en fait, c'est des perspectives plutôt révolutionnaires, on va dire, de réappropriation des infrastructures, quoi. Pour moi, le plan, c'est ça. Je veux dire, c'est ça la désertion collective, c'est dire on décide ensemble, on relie le cerveau et les mains là du corps industriel. Alors c'est des beaux mots, hein, ce que je dis maintenant concrètement, à quoi ça ressemble, ça passe par juste déjà aller sur les piquets de grève, déjà aller à la rencontre de ces gens là qui sont en train de lutter, enfin la lutte est terminée, mais où ça en est aujourd'hui, dénoncer ces fausses transitions, etc. Et donc voilà, maintenant c'est il y a aussi justement une campagne autour du projet EACOP là, du coup du pipeline en Ouganda de Total, qui a été menée par le collectif Vous n'êtes pas seul, pour faire un désert EACOP. Donc ils ont été chercher tous les partenaires financiers et tout ça pour aller ne participez pas, enfin les visibiliser, les shamer quoi médiatiquement, et leur dire et les visibiliser qu'ils vont participer à ce projet colonial et tout ça. Il y a une personne qui faisait partie d'un cabinet de conseil qui a démissionné en disant je ne veux pas participer aussi à ça, et qui, enfin voilà, démissionner ou pas, en fait tu démissionnes et ensuite tu continues de lutter pour justement mettre ce que tu connais au service de la lutte, la réappropriation des infrastructures, etc. Ou au sein de ton travail, en fait, il y a des collectifs qui se montent pour justement réfléchir à ok, comment on participe pas à des projets coloniaux, désastreux, etc. Et ça commence chez les cadres, les ingés aussi, chez EDF, il se passe des choses. Enfin bref, il y a tout un tas de. Pour moi, cette désertion, c'est à plein de niveaux. C'est pas juste quitter un métier, c'est vraiment dans le travail, en dehors du travail. Après, la question, c'est comment on joint ces deux bouts pour faire front entre le dehors et le dedans, quoi. En parlant de joindre les deux bouts, une fois que tu as démissionné, ah oui, du coup, pour reprendre la deuxième question, de quoi vit-on dans le maquis ? Dans le maquis. Précaire, voilà. On vit en faisant plein de choses, et plus ou moins rémunéré. Et voilà. En tout cas, on n'est pas très riche, clairement. Mais voilà, moi, à titre personnel, je travaille sur des projets de scénographie, et j'ai mis voilà, ce livre, ça a été 2 ans et demi de travail avec presque 5 ans d'enquête avant. Et voilà. En tout cas, pour l'instant, mon actualité, c'est voilà. Et puis de temps en temps des résidences. Et je dirais la suite, elle est un peu incertaine, mais c'est sûr que de toute façon de travailler d'écriture et d'art et de militantisme, ça rapporte pas beaucoup, quoi. Voilà. Ouais, c'est une question qu'il faut traiter. Souvent, on parle pas assez d'argent, je pense. Moi, du coup, alors après être rentrée du Danemark, j'avais des petites économies, donc j'ai vécu de ça, puis ensuite du RSA pendant 2-3 ans, parce que j'étais nomade, donc j'avais pas de loyer, j'étais dans différents lieux collectifs, etc. Donc là, je pouvais, ça marchait quoi avec le RSA. Et là, aujourd'hui, j'étais prof aussi contractuel pendant quelques mois l'année dernière, et là aujourd'hui, on arrive à trouver un peu un modèle économique qui commence un peu à marcher avec mon asso, du coup, en se plaçant, du coup, en chopant des subventions pour des résidences. Donc, c'est des résidences qui vont être à la croisée des arts, des sciences et des luttes, pour le coup. On essaye de, justement, se passer à ces interfaces-là en faisant nos enquêtes pour faire le lien entre plein de choses. Bref. Donc, maintenant, c'est vraiment, j'ai aussi une activité artistique, mais qui reste reliée avec ces questions d'infrastructure, d'énergie et compagnie. Donc, pour l'instant, ça commence un peu à marcher, et je fais de la musique à côté aussi, donc peut-être je vais essayer le statut d'intermittent, je ne sais pas. Ça va être un peu la galère pendant un an, mais voilà, c'est un peu ça les perspectives. Mais c'est très important de parler de ça, parce que justement, c'est la question de la classe et des privilèges et des capitaux qu'on a. Justement, il y a eu beaucoup ces critiques-là de la désertion. Alors, je ne sais pas si c'est la désertion, si on peut dire ça, je sais pas ce que c'est, la désertion, mais en tout cas dans les retours médiatiques et tout ça, et ça a été aussi soulevé. Et vous êtes gentils là, les privilégiés qui peuvent changer de métier, parce que c'est pas un acte héroïque en fait. La plupart du temps, on a un certain nombre de capitaux, de filets de sécurité, voilà, familiaux, de capitaux symboliques, culturels, de réseaux qui vont permettre de justement revenir, repartir, voilà, revenir exercer un métier, parce qu'on a gardé 3 contacts, ou faire du freelance, enfin bref. Donc voilà, c'est aussi une question qui est centrale dans justement nos collectifs et tout, de dire, encore une fois, désertion collective, ça veut dire quoi ? Parce que se détacher de ce truc de parcours individuel et de dire collectivement comment on peut faire des filets de sécurité collectifs pour permettre que cette liberté de dévier et de choisir sa place, en fait, et son utilité, et sa fonction, enfin, sa fonction, j'aime pas, mais genre, sa place, on a besoin de se sentir utile dans le monde et de pouvoir, dans la société, de pouvoir réfléchir, avoir le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire, et ça, c'est, on est encore loin d'avoir toute cette liberté, donc je pense que c'est, pour moi, ça fait partie aussi du mouvement de désertion qui doit prendre en compte ces questions-là. Ça va être l'heure de la traditionnelle dernière question. Oui, avec plaisir. Je pense que c'est important et que c'est en plein dans le sujet. On vous écoute. Elle est notre porte-parole, mais de toute façon, il s'agit d'un village de 130 personnes où on essaie d'installer une carrière. Et on se retrouve donc d'un côté dans le sujet, une carrière quand même pour briser le granit, pour en faire du béton. Et de l'autre côté, qu'on est 130 habitants, donc l'entreprise Pigeon, on l'avait très bien vu, c'est très difficile de résister quand on est 130 voix contre une politique et une culture. Et vous parliez là du bien-être en général, du vivant. Et là, ça va être implanté en pleine zone Natura 2000. C'est soutenu par absolument par la maire de la commune, qui avait tous les moyens, on l'a appris, de s'opposer. Donc les élus ont les moyens de s'opposer. Ils ne s'opposent pas. On ne sait pas pourquoi. Et elle déménage. Donc elle impose ça dans une commune et elle déménage dans une autre commune par appétence de sa carrière politique. Et donc, ça pose une vraie question sur le bien-être animal, le bien-être... Les études d'impact ont été faites uniquement sur le périmètre retenu par la carrière. Et c'est passé auprès du préfet, c'est passé auprès de l'enquête publique, alors que tous les avis sont défavorables, évidemment. Enfin, tous les avis, associations environnementales, habitants, certaines communes autour étaient défavorables. Et ben, ça passe quand même. Donc là, nous, on est en train de lutter contre ça. Hein, donc faut des sous. mais c'est vrai qu'il y a des mouvements de lutte aussi qui arrivent à capter des capitaux et financer des avocats qui tiennent la route. Donc on est en train de le faire, ça fonctionne. Elle n'est pas faite, cette carrière. On lutte vraiment fort et on a des arguments contre ça. Mais c'est vraiment pas simple. C'est vrai que c'est vraiment pas simple. On essaye de... Malgré les classements protection, autour de cette carrière, il y a plein de zones humides. Donc, je ne vous fais pas un dessin. Si on creuse un trou quelque part, où va aller l'eau ? Il déclare qu'il n'y aura pas d'impact sur toutes les zones humides alentour. Et ça passe. Donc, c'est vraiment toute... vous parliez des naturalistes des terres, vous parliez des soulèvements de la terre. Tous ces gens-là, c'est tout un réseau qui nous soutiennent, qui sont pas loin, c'est en loose day, tout ça. Et on a fait, pour vous dire, on a voulu faire signer une pétition juste pour dire non à cette la maire. Nous a envoyé la police, on a été fichés, et depuis, dès qu'on fait une réunion, même si c'est autour d'un café, un gâteau, il y a la police au bout de mon chemin. Donc c'est pour vous dire la pression aussi qui est subie. Et qui est quand même pas évidente. Et le dernier schéma, détail sur l'architecture et donc le respect du vivant, c'est que le schéma de carrière régional qui est en train de se faire parle de la réutilisation, le réemploi, prioriser le réemploi, etc., etc. Il y a tout un tas de carrières qui produisent déjà des granulats autour. Sauf que l'entreprise Pigeon veut sa part du gâteau. Elle s'implante là. Il y a des concurrents tout autour qui fournissent déjà. Mais ça passe quand même. Donc et l'idée, c'est de faire baisser le coût. Voilà. Parce que d'augmenter le nombre de carrières pour faire baisser le coût. Et c'est compliqué de voir que... là, il y a les élections. J'espère qu'ils ne vont pas être élus. Et en même temps, au niveau des habitants, au niveau... Comment on fait pour visibiliser le fait que il y a plus de sable pour faire du béton, le fait que il y a moyen, il y a assez de matière de réemploi pour répondre aux constructions nécessaires ou utiles, c'est invisible tout ça. En fait, les gens le voient pas. Et le schéma de carrière qui est en train de se faire là en 2025, il le dit, mais pour autant. On est obligé de lutter pour empêcher cette carrière en pleine zone protégée. À Montreuil, au Houlm, dans l'Orne. Et est-ce que vous savez qu'il y a une coordination nationale de lutte anti-carrière ? Oui, on est dedans. D'accord. On est inscrit sur le calendrier des luttes. Ok. Et qu'au printemps, il va y avoir une grande mobilisation, le printemps des luttes locales. C'est ça, on est dedans. Et on est associé également à la lutte contre la D924 qui fait entre Flers et Argentan. Et il y aurait certainement une corrélation. Parce que, alors moi, dans le livre, je ne me souviens plus du nom de la carrière, mais il y a une lutte anti-carrière qui a réussi à gagner par la quantité de carrières qui avaient déjà, des carrières ouais. existantes, ouais, voilà, ouais. Qui a réussi à prouver la non-utilité. Ça fait partie de nos voies, on a plusieurs lots, plusieurs voies environnementales, utilité publique, etc., qui sont en cours d'argumentation. Mais c'est vrai que c'est invisible. Là, on est entre nous, on est tous d'accord, je pense, à peu près. Et en fait, je me demande comment on peut visibiliser ça pour que les élus aient des comptes à rendre quand ils soutiennent ce genre de projet qui est une ineptie, quoi. Et dont personne ne veut. Il faut reprendre la mairie. Voilà. Ouais, bah non, mais en vrai, il y a une lutte dans le Royan qui a repris la mairie et ouais. qui est contre un projet de carrière. Tout à fait. Enfin, qui se sont présentés, ils ont repris la mairie, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, on sait qu'il y a eu plusieurs obstacles. Il y a des communautés de communes aussi à reprendre. Par exemple, si on parle de transport en commun gratuit, en fait, quand la mer, c'est un truc à reprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser aussi les territoires. Et même dans la lutte, il va falloir penser les territoires. Et par exemple, je ne sais pas, 20 000 personnes qui débarquent à Montreuil, ça peut aussi visibiliser quelque chose. Moi, je pense qu'avec un nom pareil, ils ont déjà perdu. Faut les ridiculiser. Non, c'est vrai que reprendre la mairie. Bah ouais. Il faut racheter des carrières. Reprendre les carrières. Comment on fait ? Mais tout comme de reprendre le foncier. Hein. Genre, comment on pourrait faire pour acheter des. Alors là, elle est toujours pas ouverte, mais en fait, il y a quand même des questions qui se posent. Comment ? Oui, mais ça, le soutien. Bah oui, vu le prix que ça coûte de racheter des terres agricoles. Généralement, ils finissent par lâcher, reprendre le foncier, reprendre des carrières. J'allais dire, ça répond presque à la question que j'allais vous poser. Donc, c'est pas mal, parce qu'en général, on vous demande qu'est-ce qui pourrait être un premier chantier commun à mettre en place. Et donc, on voulait peut-être déjà un ou deux, reprendre des carrières, reprendre du foncier, reprendre des usines. En tout cas, reprendre ensemble. Collectivement, je tiens à vous remercier au nom de Territoire Pionnier. Merci. Jeanne et Léa pour cette rencontre très enrichissante. Merci beaucoup. Merci à Phoenix d'avoir assuré l'enregistrement.